Le directeur de la propagande de l'Association des jeunes coréens en Chine a publié le 24 courant une communication en signe de soutien à l'appel de la conférence conjointe du gouvernement, des organisations politiques et sociales de la République populaire démocratique de Corée, invitant à ouvrir cette année une large voie de la réunification indépendante grâce à l'union de toute la nation. Par ailleurs, le porte-parole de la filiale centrale et méridionale de l'Association des jeunes coréens en Chine a également publié le 22 une communication. Il a souligné que l'appel a inspiré aux jeunes de la nouvelle génération de la confiance et de l'optimisme, que tous les Coréens peuvent surmonter tous les obstacles et épreuves s'ils ont de nouvelles volontés et détermination.